Pedro Páramo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. De Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. Tu crois à l'enfer, Roustine? Oui, Susanna. Et au ciel aussi. Moi, je ne crois qu'à l'enfer. Comment va madame? Mal. Elle se plaint? Non, monsieur. Elle ne se plaint de rien. Mais on dit que les morts ne se plaignent pas. Madame est perdue pour tout le monde. J'ai attendu 30 ans ton retour, Susanna. J'ai attendu de tout avoir. Pas seulement ceci et cela, mais tout ce que je pouvais obtenir. De manière qu'il ne me reste plus aucun désir, sinon de toi. Le désir de toi. Dernier épisode. J'ai la bouche pleine de terre. Oui, mon père. Ne dis pas oui, mon père. Répète après moi ce que je vais dire. Qu'allez-vous me dire? Vous allez me confesser encore une fois? Pourquoi encore une fois? Ce ne sera pas une confession, Susanna. Je suis seulement venu m'entretenir avec toi, te préparer à la mort. Je vais mourir? Oui, ma fille. Pourquoi alors ne me laisse-t-on pas tranquille? J'ai envie de me reposer. On doit vous avoir chargé de m'empêcher de dormir. De rester là avec moi jusqu'à ce que le sommeil m'ait quitté. Que pourrais-je faire ensuite pour le retrouver? Rien, mon père. Pourquoi ne partez-vous pas plus tôt et ne me laissez-vous pas tranquille? Je te laisserai tranquille, Susanna. Pendant que tu répéteras les paroles que je vais dire, tu trouveras le sommeil. Tu auras l'impression de te bercer. Et quand tu seras endormi, personne ne te réveillera. Tu ne te réveilleras jamais plus. C'est entendu, mon père. Je vais faire ce que vous dites. J'ai la bouche pleine de terre. J'ai la bouche pleine de toi, de ta bouche. J'avale de la salive écumante. Tes lèvres serrées, dures. Qui semble mordre les miennes en les écrasant. Je mâche des morceaux de terre infestés de verre qui me nouent la gorge et m'égratignent le voile du palais. Ma bouche se creuse, se retire en grimaçant, perforée par les dents qui la déchirent et la dévorent. Le nez devient flasque, l'humeur vitrée des yeux se répand. Les cheveux brûlent en un feu de paille. Il aurait aimé deviner ses pensées, voir son cœur livrer bataille pour repousser les images qu'il se met en elle. Ce n'est pas tout, il y a encore la vision de Dieu. Il y a encore la vision de Dieu, la douce lumière de son ciel infini, la splendeur des chérubins et le chant des séraphins. La joie du regard divin, dernière et fugitive vision des condamnés à la peine éternelle. Fugitive vision des condamnés à la peine éternelle. En outre, tout cela se fond avec une douleur terrestre. La moelle de nos os, changée en lumière et le sang dans nos veines, devenu filet de feu de fond d'ordre de douleur. Une inconcevable douleur qui jamais ne s'apaise, constamment attisée par la colère de Dieu. Une inconcevable douleur qui jamais ne s'apaise. Il m'abritait entre ses bras. Constamment attisé. Il me donnait l'amour. Il a été tenté de se lever, d'oindre la malade avec les saintes huiles et de dire « j'ai terminé ». Mais non, il n'avait pas encore terminé. Il ne pouvait donner les sacrements à une femme sans connaître la mesure de son repentir. Des doutes lui sont venus. Peut-être n'avait-elle pas de quoi se repentir. Peut-être n'avait-il rien à lui pardonner. Tu vas bientôt paraître devant Dieu. Et son jugement est impitoyable pour les pécheurs. Maintenant, allez-vous-en, mon père. Ne vous tourmentez plus pour moi. Faustina, fais-moi le plaisir d'aller pleurer ailleurs. Puis, elle a senti que sa tête allait se clouer dans son ventre. Elle a essayé de les séparer, d'écarter ce ventre qui lui pressait les yeux et lui coupait le souffle. Mais elle ne faisait que s'enfoncer davantage, comme si elle coulait dans la nuit. Moi, j'ai vu mourir Doña Susanita. Que dis-tu, Dorothea? Ce que je viens de dire. À l'aube, les gens ont été réveillés par le son des cloches. C'était le matin du 8 décembre. Un matin gris. Pas froid, mais gris. Le carillon a commencé par le bourdon. Les autres cloches ont suivi. Certains ont cru que l'on sonnait la grand-messe et quelques portes n'ont pas tardé à s'ouvrir, celles derrière lesquelles vivaient les matineux, attendant, réveillés, que l'Angélus leur annonça la fin de la nuit. Mais la sonnerie a duré plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Maintenant, ce n'étaient plus seulement les cloches de l'église majeure, mais aussi celles du Sangre de Cristo, de la Cruz Verde, et peut-être même celles du Santuario qui donnaient de la voix. À midi, le carillon ne s'était pas arrêté. La nuit est venue et comme pendant le jour, toutes les cloches ont continué de sonner à l'unisson, toujours plus fort, jusqu'à ne plus faire qu'un lamento retentissant. Au bout de 3 jours, ils étaient tous sourds. Il devenait impossible de parler dans ce vrombissement qui emplissait l'air. Qu'a-t-il bien pu arriver? Doña Susana est morte! Molle? Qui? Sa femme! Ta femme? Celle de Pedro Paramo! Des gens arrivaient de toutes parts, attirés par ce carillon incessant. Ils venaient de Cantla et de plus loin encore, comme en pèlerinage. Il vint même, qui sait d'où, un cirque avec danseurs de cordes et manèges, des musiciens. De cette manière, l'événement s'est peu à peu changé en fait. Comala a fourmillé de gens, n'a plus été que réjouissance et tintamarre, comme pour la fête du village quand on avait du mal à faire un pas dans les rues. Les cloches ont cessé de sonner, mais la fête a continué. Il n'y a pas eu moyen de faire comprendre à tous ces gens qu'il s'agissait d'un deuil. De jours de deuil. Il n'y a pas eu moyen de les faire partir. Au contraire, d'autres encore sont arrivés. La Media Luna était solitaire et silencieuse. On y marchait déchaussée. On y parlait à voix basse. Susana San Juan a été enterrée et bien peu de gens à Comala s'en sont rendus compte. Là-bas, c'était la fête. On organisait des combats de coqs. La musique, les cris des ivrognes et des vendeurs de billets de loterie retentissaient. La lumière du village arrivait jusqu'à la Media Luna, telle une auréole dans le ciel gris. Or, ces jours-là ont été gris et tristes pour la Media Luna. Don Pedro ne disait mot, ne sortait pas de sa chambre. Il jura de se venger de Comala. Je vais croiser les bras, et Comala mourra de faim. C'est ce qu'il fit. Le boa revenait toujours. On est avec Venustiano Carranzo. C'est bien. Maintenant, on est avec Alvaro Obregón. C'est bien. Là-bas, on a fait la paix. On est désœuvré. Attends, ne désarme pas tes hommes. Ça ne va pas durer longtemps. Nous, les vieux, nous dormons peu. Presque jamais. Parfois, c'est à peine si nous sommeillons, mais sans cesser de penser, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Ça ne va plus tarder, maintenant. Ça ne va plus tarder. Tu es parti depuis bien longtemps, Susana. La lumière était un peu comme à présent. Peut-être pas aussi rousse. Mais c'était la même pauvre lumière, sans éclat, enveloppée dans le voile blanc d'un brouillard comme celui-ci. C'était au même moment, j'étais là, près de la porte, à regarder le jour se lever. et à te regarder partir sur le chemin du ciel, par là où le ciel s'ouvrait à la lumière, à te regarder t'éloigner, toujours plus estompé entre les ombres de la terre. C'est la dernière fois que je t'ai vu. Tu passais en frôlant les branches de l'arbre saint qui est dans l'allée, et tu emportais en avançant ces dernières feuilles, puis tu as disparu. Je t'ai dit, reviens, Susanna. À la même heure, la mère de Gamaliel Villalpando, Doña Inés, balayait la rue en face du caboulot de son fils quand Abundio Martinez est arrivé et s'est glissé par la porte entrebâillée. Il a trouvé Gamaliel endormi sur le comptoir, le chapeau sur le visage pour ne pas être dérangé par les mouches. T'as un client. Lève-toi. Ce n'est tout de même pas ma faute si les ivrognes sont en goguette à une heure pareille. Mon pauvre garçon. Excuse-le, Abundio. Le malheureux a passé la nuit à servir des voyageurs qui ont taquiné la bouteille. Qu'est-ce qui t'amène ici aussitôt ? Elle parlait très fort parce que Abundio était sourd. Eh bien, juste un petit flacon d'alcool dont j'ai bien besoin. Allez, Furio, encore tourné de l'œil ? Elle m'a claqué entre les doigts, merbille. Pas plus tard que cette nuit, vers les 11h. J'en ai même vendu mes ânes. Même mes ânes, je les ai vendus pour que sa fin soit plus douce. J'entends pas ce que tu dis. Ou peut-être ne disais-tu rien, que dis-tu ? Que j'ai passé la nuit à veiller la morte. La Refugio. Elle a rendu son dernier soupir hier soir. Ah. C'est pas pour rien que je sentais la mort. Figure-toi que je l'ai même dit à Gamaliel, je sens que quelqu'un est mort au village. N'a même pas fait attention. Comme il a bien fallu qu'il fraternise avec les voyageurs, il s'est saoulé, le pauvre, et tu sais, quand il est dans cet état, tout le fait rire. C'est comme si je n'existais pas. Mais que me dis-tu là ? Tu as des visiteurs pour la veiller ? Aucun, merveilleux. C'est bien pour ça que je veux cet alcool. Pour guérir ma peine. Tu le veux pur ? Oui, merveilleux. Pour me quitter plus vite. Et donnez-le-moi tout de suite, ça presse. Je vais te donner 2 décilitres pour le même prix, et parce que c'est toi. Mais il va falloir que tu ailles dire à la défunte que je l'ai toujours beaucoup appréciée. Et qu'elle en tienne compte quand elle sera dans la gloire de Dieu. Oui, merbille. Dis-le-lui, avant qu'elle soit complètement froide. Je le lui dirai. Je sais qu'elle compte aussi bien que vous prierez pour elle. Et je vous dirai qu'elle est morte affligée parce qu'il n'y a eu personne pour la soutenir. Comment ? Tu n'es pas allé chercher le père Renderia ? J'y suis allé. Mais on m'a dit qu'il était dans la montagne. Quelle montagne ? Eh bien, dans ce coin perdu, par là-bas. Vous savez que les curés font le soulèvement. Il s'y met, lui aussi. Ah, pauvre de nous, Abundio. Qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, merbille ? Ça nous fait ni chaud ni froid. Donnez-moi un autre petit flacon, merbille. Et si vous voulez en rajouter une larme, faites comme chez vous. Ce que je peux vous promettre, c'est que celui-ci... J'irai le boire auprès de ma petite défunte. Auprès de ma couque. Alors file, avant que mon fils n'ouvre l'œil. Il est gracieux comme un fagot d'épines quand il se réveille après une cuite. Va-t'en vite, et n'oublie pas de faire la commission à ta femme. Il est sorti du caboulot en toussant et en éternuant. Cet alcool était du feu. Mais on lui avait indiqué comment s'y prendre pour qu'il monte plus vite à la tête. Et il a avalé gorgée sur gorgée en s'éventant la bouche avec le pan de sa chemise. Puis il a essayé d'aller tout droit chez lui où l'attendait sa femme, et il a pourtant changé de direction, est parti vers le haut de la rue et a quitté le village en allant là où le chemin le menait. Damiana, viens voir ce que veut cet homme qui arrive par le chemin. Donnez-moi quelque chose pour que j'enterre ma femme. Livrez-nous, Seigneur des embûches du malin. Délivrez-nous, Seigneur, des embûches du malin. Je suis venu chercher un petit secours pour enterrer ma mort. Le visage de Pedro Páramo a disparu sous les couvertures, comme pour se mettre à l'abri de la lumière, pendant que les cris poussés par Damiana redoublaient et retentissaient à travers champs. Abundio Martinez entendait la femme crier et ne savait comment s'y prendre pour arrêter ses cris. Il ne voyait pas par quel bout saisir ses propres pensées, mais il se rendait compte que les hurlements de la vieille devaient s'entendre de très loin. Il lui cassait à tel point les oreilles sans qu'il puisse pourtant en comprendre le sens que même sa femme là-bas devait pouvoir les entendre. Il a pensé à elle, étendue sur son lit, seule dans la cour de sa maison, où il l'avait sortie pour qu'elle prenne le frais et ne sente pas trop vite. Sa petite Cuca, qui pas plus tard qu'hier couchait encore avec lui, bien vivante, excitée comme une pouliche. Sa Cuca qui le mordait et frottait son nez contre le sien. Elle qui lui avait donné ce petit enfant, mort à peine né parce qu'elle était soi-disant incapable d'être mère. C'était la faute à pas de chance, au refroidissement, aux brûlures d'estomac et à qui sait encore combien de maladies d'après ce qu'avait dit le médecin qui était venu la voir à sa dernière heure, quand les ânes avaient été vendus pour l'amener jusque-là tellement ils prenaient cher. Et ça n'avait servi à rien. Cuca était maintenant là-bas à attendre la fraîcheur du soir, les yeux fermés, désormais incapable de voir le lever du soleil, ni celui-ci, ni aucun autre. Aidez-moi! Donnez-moi quelque chose! Mais il ne s'est pas entendu lui-même. Les appels de cette femme l'assourdissaient. Sur le chemin de Comala, de petits points noirs ont bougé. Ces petits points se sont changés en hommes qui se sont ensuite trouvés là, près de lui. Damiana Cisneros a cessé de crier, de faire le signe de la croix. Elle était maintenant tombée et ouvrait la bouche comme si elle bâillait. Les hommes qui venaient d'arriver l'ont relevée et portée à l'intérieur de la maison. Le visage de Pedro Páramo s'est montré. Ça va, patron ? Vous n'avez rien ? Il a seulement remué la tête. Ils ont désarmé Abundio qui tenait encore le couteau plein de sang. Viens avec nous. Tu t'es mis dans le beau drap. Il les a suivis. Avant d'entrer dans le village, il leur a demandé la permission d'aller un peu à l'écart. Il a vomi une chose jaune comme de la bile. Je suis chaud. Il est retourné là où on l'attendait. Il s'est appuyé sur l'épaule des hommes qui l'ont emporté en le traînant. La pointe de ses pieds a ouvert un sillon dans la terre. Derrière eux, assis dans son fauteuil, Pedro Páramo a regardé le cortège s'éloigner en direction du village. Il a senti que sa main gauche, qu'il voulait lever, retombait inerte sur ses genoux, mais il ne s'en est pas soucié. Il était habitué à voir mourir chaque jour une part de lui-même. Il a vu l'arbre saint se secouer et laisser tomber ses feuilles. Ils prennent tous le même chemin. Ils s'en vont tous. Susana, je t'ai demandé de revenir. Il y avait une grande lune au milieu du monde. Je perdais la vue à te contempler. Ses rayons filtraient sur ton visage. Je ne me lassais pas de regarder cette apparition qui était toi. Douce, lustrée de lune, ta bouche ourlée, mouillée, irisée d'étoiles, ton corps se diluant dans l'eau de la nuit. Susana, Susana San Juan. Il a voulu lever la main pour éclairer l'image. Mais ses jambes l'ont retenue comme si elle était de pierre. Il a voulu lever l'autre main, et elle est tombée doucement de côté, où elle est restée appuyée sur le sol comme une béquille qui aurait retenu son épaule désarticulée. Voilà ma mort. Le soleil s'est répandu sur toute chose et leur a rendu forme. La terre dévastée s'étendait devant lui, vide. La chaleur réchauffait son corps. Ses yeux bougeaient à peine, il sautait d'un souvenir à l'autre, effaçant le présent. Par à coup, son cœur s'arrêtait, et il lui semblait que le temps s'arrêtait aussi. Et le souffle de la vie. Pourvu que ce ne soit pas une nouvelle nuit. Parce qu'il avait peur des nuits qui pour lui remplissaient l'obscurité de fantômes. Peur d'être enfermé avec eux. Voilà de quoi il avait peur. Je sais que dans quelques courtes heures, Abundio viendra avec ses mains ensanglantées me demander l'aide que je lui ai refusée. Et moi, je n'aurai pas de main pour me boucher les yeux et ne pas le voir. Il faudra que je l'écoute jusqu'à ce que sa voix s'éteigne avec le jour, jusqu'à ce que sa voix meure. Il a senti des mains se poser sur ses épaules et il s'est redressé, le corps tendu. C'est moi, Don Pedro. Voulez-vous que je vous apporte votre petit déjeuner? Je vais venir. Je viens. Il s'est appuyé sur le bras de Damiana Cisneros et a essayé de marcher. Après avoir fait quelques pas, il est tombé. Une supplication tout au fond de lui-même. Mais sans dire un mot. Il a heurté la terre d'un coup sec et s'est écroulé comme un tas de pierres. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff, d'après la traduction de Gabriel Diaculi. Dernier épisode. Avec Jacques Bonafé, les narrateurs, Francine Berger, Justina, Bernard Bouillon, le bourriquier Abundio, Eric Caravaca, le père Renteria, Brigitte Faure, Doña Inés, Christine Gagneux, Damiana Cisneros, Denis Lavant, Pedro Páramo, Philippe Lofredo, le Boa, Johanna Nizar, Susana San Juan, Giovanni Ortega, Gamaliel, et les voix de François Briot, Paola Cordova, Laurent Grappe, Sofia Lopez, Odile Lauria, Emiliano Suarez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissante. Musique originale, Lion Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Ardent Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egoroff. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.